Ouais, ici c'est Wanzo des Ray-Ban. On va sortir la patate dans le morceau. T'as côté Wanzo, je représente cette zone du 939-4. On vient foutre à quatre pattes avec Ray-Ban. On joue des coups de tête au rap français. Skelette, la strip-tep, c'est du lourd, ma gueule. Télécharge, ferme ta gueule, c'est du son de cancer. Ça débarque, du terre-terre, du 939-4. C'est la même galère, les mêmes pavillons policières. Les mêmes commissaires qui guident les pavillons policières. Les mêmes gangsters, nos hauts, la tisa convoitise et fichichi. Jamais en retard pour le der de Ricard. Jamais en retard pour la pierre kiss. Si tu kiffes le son de Wanzo, des Ray-Ban, lève le temps en l'air, nique sa mère. J'suis pas la bombe-terre, j'passe à deux fronts devant les stars. J'accélère avec le micro, il s'élère. J'suis là pour leur faire la misère, j'suis pas la bombe-terre. Ici c'est Wanzo, représente la zone. Ça débarque du 939-4, tu peux pas tester. Ici ça cherche à faire du blé, obligé d'aller taper, mais ça reste fauché. On reste en serre sur le terre-terre, on dit tectonique, on vous nique. Arrête de bouger, on dirait que tu fais crise d'épilepsie. Ici c'est Wanzo, des Ray-Ban, ça du pour aïe aïe aïe aïe. Côte Wanzo, je représente cette zone du 939-4. On vient au foot à quatre pattes avec Ray-Ban. On fout des coups de tête au rap français. Quête la soutienne, c'est du lourd, ma gueule. Télécharge, ferme ta gueule, gangster dans les gènes. Ça vous gêne, anti-tétonique, on vous nique. Ça débarque du 9-3 jusqu'au 9-4. Tu peux pas tester, tu kiffes le son de Wanzo et Ray-Ban. Lève le doigt en l'air, nique sa mère. Nique sa mère, c'est ça, frérot. Wanzo, Ray-Ban, Jagnur est là aussi, c'est ça. C'est Wanzo et Ray-Ban, c'est du lourd, mon frérot. Soldats sont trahis, on arrive, on est trop sur la street. C'est le bordel assuré, à coup sûr, faut que ça pète. Ça va même fissurer. C'est Wanzo et Ray-Ban, de MC qu'on les gros. Tu vas te faire bouffer si tu sors de l'entour. C'est du lourd, on t'a dit, tu connais la chanson. C'est pas de rap français, mais du rap de partout. La banlieue s'organise, du 9-4 au 9-3. Ça fait de Bobigny et de V9 le roi. Ray-Ban, c'est moi, latino comme Pablo. Je vais pas dire attendez pour donner la sauce. C'est dans ma lancée que je vais représenter tous les mecs d'en bas qu'il faut écouter. Ray-Ban et Wanzo, c'est pour tous les zonards. Un putain de toxique, t'as senti fracnard. Je représente cette zone du 939-4. On vient au foot à quatre pattes avec Ray-Ban. On fout des coups de tête au rap français. Get la strip-tech, c'est du lourd, ma gueule. Télécharge ou ferme ta gueule, gangster dans les gènes. Ça vous gêne, anti-tectonique, on vous nique. Ça débarque du 9-3 jusqu'au 9-4. Tu peux pas tester, tu kiffes le son de Wanzo et Ray-Ban. Lève le doigt en l'air, nique sa mère. Je repars sur le son là où trop s'éparpille. Je rappe pour ma zone, donc lâche des torpilles. J'arrive du 9-4, t'as senti la patate. C'est Ray-Ban et Wanzo pour faire mal à ton rap. Toxique et le son posé sur street test. Écoute, c'est du lourd juste avant la tempête. À coup de tête dans le son, faire bouger ta tête. On attire l'attention et on aime quand ça pète. Accompagné de cyanure pour une vraie morsure. On opère à la cible, son toxique sur la mesure. Au fur et à mesure, on agit sévère. On sévit sur mixtape et nique sa mère. La plaque, Wanzo et Ray-Ban, est-ce qu'on rebat? Sauf qu'à l'impact de balle, et notre 3 d'état. Les MC des alentours ont du souci à se faire. On attend notre tour et tous les soucis à se faire. On pénètre l'atmosphère avec les passes qui dérangent. On vient faire nos affaires, parce que le mic nous démange. Le déménage, tu demandes si on va t'épargner. Les réclamises à l'amende, c'est signé CLP. Vas-y, passe les phases, ça va déjà bien rouler. Cette mesure de cyanure, le poison va couler. Comme on sent dans les veines, où mon feu sur le son. Les consonnes, les voyelles, ont trouvé leur patron. C'est à l'homme à Patrick, tu connais mon drapeau. Je le représenter, c'est tatoué sur ma peau. Sur mixtape comme un lion dans la jungle. Je vais rougir mes textes, je jure tu vas changer. Par contre moi zone, je représente cette zone du 939-4. On vient foutre à quatre pattes avec Ray-Ban. On fout des coups de tête au rap français. Get la strip-tête, c'est du lourd ma gueule. Télécharge, ferme ta gueule. C'est du lourd ma gueule, tu peux pas tester. 9-3-9-4 connexion.